octobre. Sous cette triste averse, le monde s'approche aux portes d'une cérémonie funèbre, d'une cérémonie bien moche. La pluie ne cesse quand les premières paroles s'envolent aux oreilles des personnes, déplorant les derniers mots, les derniers adieux que l'on lit dans la voix, dans les yeux des proches. Les sanglots de l'un, le rire nerveux de l'autre, un moindre bruit interpelle son voisin. Les pas qui résonnent, qui martèlent le sol, les mouchoirs qui se chiffonnent, le braillement des mioches. Le moment vient où chacun se retrouve devant le défunt, et dans cette boîte où il est allongé, on y dépose une fleur séchée, le cœur bien serré, les poings fermés au fond des poches. Maintenant c'est l'heure de sortir son parapluie pour se protéger des larmes du ciel gris. Sous les ombrelles noires remplies de désespoir, la vie, la mort, sa foule, cafard et la pétoche. Il pleut tellement aujourd'hui qu'on va se mettre à l'abri dans un bistrot pas très loin, bien au chaud. Autour d'un café bien serré, on parlera pas du mal qu'on vient d'enterrer dans le sol à coups de pioche. Quel jour bien moche, quand les vivants rejoignent le monde du néant, la douleur et la souffrance regagnent les cœurs restants. Quand les vivants rejoignent le monde du néant, la douleur et la souffrance regagnent les cœurs restants. Quand les vivants rejoignent le monde du néant, la douleur et la souffrance regagnent les cœurs restants. Quand les vivants rejoignent le monde du néant, la douleur